alors que le portier du château a tardé à ouvrir à deux nobles écossais, présents au banquet de la veille, l'un, Macduff, va voir le roi, tandis que l'autre avoue à Macbeth que la nuit a été tumultueuse, avec d'étranges cris de mort. Macduff revient alors horrifié et appelle au secours Banquo et les deux filles du roi assassinées. Lady Macduff arrive pour entendre dire « Oh, Banquo, Banquo, notre royal maître est assassiné. »« Quel malheur, hélas, dans notre maison !» répond Lady Macbeth. Et Macbeth lui-même à son arrivée. « Que ne suis-je mort une heure avant cet événement ? J'aurais eu une vie bénie. Dès cet instant, il n'y a rien de plus sérieux dans ce monde mortel. Tout n'est que hocher. La gloire et la grâce sont mortes. Le vin de la vie est tiré, et la lie seule reste à cette cave pompeuse. » Et quand arrivent les deux filles du roi assassiné, Macbeth prétend avoir déjà tué les coupables. Qui peut être sage et éperdu, calme et furieux, loyal et neutre à la fois? Personne. La précipitation de mon dévouement violent a devancé la raison plus lente. Ici, gisait Duncan, sa peau argentine était lamée de son sang vermeil, et ses blessures béantes semblaient une brèche à la nature faite pour l'entrée dévastatrice de la ruine. Là étaient les meurtriers, teints des couleurs de leur métier, leurs poignards ayant une gaine monstrueuse de cailloux. Quel est donc l'être qui, ayant un cœur pour aimer et du courage au cœur, eût pu s'empêcher de prouver alors son amour ?